C'était la conclusion du patinage de vitesse sur contre-piste pour les Jeux olympiques de Pyeongchang et on va parler évidemment avec notre analyste pour les compétitions. On parle évidemment de Caroline Truchot. Salut Caroline. Bon matin, bonjour. Caroline, avant de parler de Marianne, moi je veux te parler de Kim Boutet. C'est incroyable ce que cette jeune fille-là a fait. C'est vraiment le flambeau qui a été changé au cours de ces Jeux olympiques de Pyeongchang. On sait que c'était Marianne qui transportait cette équipe-là au cours des dernières années, puis là maintenant on peut dire que ce sera l'équipe de Kim Boutin. Et moi, ce que je retiens là-dedans, c'est quelque part le caractère qu'elle a eu. Cette femme-là aurait pu s'effondrer après les menaces qu'elle a eues après sa première médaille. Ah oui, absolument. Le caractère qu'elle a démontré là, pendant ces Jeux olympiques a été incroyable. C'est la première patineuse au Canada, gars et filles, à remporter une médaille individuelle sur chaque distance. Donc, c'est vraiment incroyable là, de son parcours aux Jeux olympiques. Là. OK. Si on parlait un peu vraiment, est-ce qu'elle fait 21 ans? Je pense que probablement qu'elle visait probablement des Olympiques, prendre de l'expérience. Une médaille, ça aurait été l'idéal, mais trois médailles pour elle, là, c'est probablement inespéré pour elle actuelle à 21 ans, là. Ben, c'est sûr que vu comme c'est ça, c'est inespéré, mais avec la saison de Coupe du Monde qu'elle a eue cet automne, moi, j'avais aucune misère à croire qu'elle pouvait faire une médaille sur chaque distance, puis c'est ce qu'elle a fait. Donc, c'est sûr que pour les gens du courte-piste, c'est peut-être pas nécessairement une surprise, mais c'est sûr que à tes premiers Jeux à 21 ans, c'est quand même exceptionnel d'avoir fait ça. OK. Si on parlait de Marianne, encore une fois, une déception encore ce matin. Oui, déception, mais en même temps, tu sais, je pense que Marianne, elle peut vraiment être fière de son 1000 mètres, de sa course aujourd'hui. Elle faisait une belle course. Elle a juste manqué un petit peu de jambe, je pense, à la fin pour dépasser la Coréenne. Il manquait peut-être un tour. C'est sûr que c'est vraiment décevant là, de finir tes derniers jeux comme Ben ça, oui. mais c'est en même temps là. Il faut regarder, faut pas juste regarder une course ou un Olympique, mais toutes les Olympiques qu'elle a faites, puis je pense qu'elle peut être fière. OK. On va écouter d'ailleurs ce qu'elle avait à dire sur les ondes de Radio-Canada ce matin, lorsque Jacinthe Taillon de Radio-Canada l'a interviewé. Que tu aurais souhaité, c'était tes derniers Jeux olympiques, on veut juste savoir comment tu vas en ce moment. Ben, c'est sûr que je suis extrêmement déçue. J'ai l'impression que c'est ça, ces jeux-là n'ont vraiment pas été comme ce à quoi je m'attendais. J'ai essayé de garder le cap tout le long de ces jeux-là. Parce que justement, j'avais toujours une étape à poursuivre et à conserver. Mais là, je pense que toute l'âge, puis la valve est ouverte, puis c'est terminé. Donc, je suis très déçue. Qu'est-ce qui a manqué, tu penses? La chance à... Merci à Radio-Canada pour l'extrait sonore de Marianne Saint-Gelais. Caroline, si le Canada revient de Pyeongchang avec cinq médailles, je pense, si je me rappelle bien, Sochi, c'était trois. Euh, Oui. do, donc, euh, on peut quand même être content de la récolte dans tout et partout, là. Oui, je pense qu'on peut quand même être content. Puis je pense que tu sais, tout le monde était comme dans la game pour avoir des médailles, puis se battait pour les demi-finales, les finales. Donc là-dessus, je pense que dans l'ensemble de l'équipe, tout le monde a bien fait. Donc je pense que l'équipe canadienne peut sortir de là très la tête haute et c'est sûr que les filles n'ont pas eu de médaille au relais, mais avec la course un petit peu folle qu'on a vécue il y a deux Ouais. jours, je pense qu'ils faisaient la course de leur vie, donc ils peuvent être fiers, oui. C'est probablement d'ailleurs la plus grande déception, ce qui s'est passé avec cette élimination-là, cette disqualification-là au relais chez les filles. Ah oui, c'est sûr que les filles ont travaillé fort là pendant 4 ans. Pour aller chercher une médaille au relais, puis c'est décevant d'arriver au jeu, de faire la course de ta vie, puis que finalement il y en a une qui tombe devant toi et puis que t'es disqualifié pour quelque chose que tu sais, je pense que Kim elle devait même pas se rendre compte que les deux autres s'en venaient en arrière Ben oui. d'elle. Donc c'est vraiment c'est ça, c'est vraiment décevant pour eux. Oui. OK. Donc, du côté des hommes, ce matin, on va parler aussi de la médaille de bronze au relais 5000 mètres. Écoute, c'était quelque chose de quand même intéressant pour eux autres, là. Médaille de bronze en Corée du Sud, c'est à peu près ce qu'on pensait, hein? Ben, la finale des gars au relais, les quatre équipes pouvaient gagner, donc c'était très relevé. Je pense que les gars ont fait une super de belle course. Je pense que le dernier échange entre Charles et Samuel n'a pas été très, parfait. Donc, je pense que Samuel a un peu perdu de vitesse pour ses deux derniers tours. Puis c'est un peu pour ça qu'il s'est fait dépasser. Mais tu sais, une médaille de bronze, je pense que les gars étaient quand même. C'est sûr que t'es déçu parce qu'ils veulent toujours gagner. Ouais. Mais avoir une médaille de bronze, c'est quand même. Il avait l'air quand même content. Ça prend beaucoup de coordination, hein, pour passer le flambeau là, lors de la course à relais, hein. Ça paraît pas, là, mais c'est beaucoup. Tu l'as déjà fait, Caroline, ça doit être beaucoup, beaucoup de coordination, hein. Ah, absolument, là. Il faut que tu sois bien timé avec ton partenaire. Puis là, si ton coéquipier, il dépasse, là, tu sais plus trop où aller. Ce qui est un peu arrivé aussi avec les Coréennes, là, dans la course des filles, là. Donc, c'est vraiment, là, on en fait en entraînement, puis on en refait, puis on en refait, puis comme, tu vous voyez, là, on s'entraîne quasiment tous les jours en relais, puis ouais. On fait quand même des erreurs. Ouais. Effectivement, puis t'as le stress d'être en pleine compétition, puis ainsi de suite. Ben, ouais. Caroline, des dernières questions, tout ce beau monde-là va se remonter à Montréal, donc certainement qu'il faut s'attendre à une belle performance de Marianne, parce que Marianne doit faire certainement oublier cette déception de Pyeongchang, qui voulait finir avec un... Ouais. Ouais, ben c'est ça. Dans trois semaines, c'est les championnats du monde ici à Montréal. Donc, c'est sûr que Marianne, elle va avoir le couteau dans les dents. Et les vice-championnes du monde, mais d'après moi, elle va vouloir aller chercher le titre de championne du monde. Puis, je sais qu'elle est capable. Tu sais, c'est sûr qu'elle a pas eu des bons jeux, mais les jeux, c'est une compétition. Puis, les mondiaux, c'en est une autre. Donc, puis on pourra s'attendre aussi à une bonne performance de Kim Boutin, ben c'est oui. Certain. Ben oui. Caroline, il me reste qu'à te remercier. Je ne sais pas si François va être de retour pour les mondiaux. Si jamais il n'est pas là, je vais te rappeler pour analyser tout ça. Je te remercie beaucoup. C'est fort apprécié d'avoir que tu aies frappé un relais de François-Olivier Roberge pendant les Jeux olympiques. Et peut-être qu'on va avoir l'occasion de se reparler. Mais merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Notre analyse au patinage de vitesse sur courte piste, Caroline.